Don't mess with my man, c'était Lucifer à l'instant sur EFM, la première radio 100% Essonne. D'ici un quart d'heure, les programmes télé de ce lundi 4 janvier 2010. Et puis là, Régis, on a une personne à féliciter, une personne qui repart avec un menu pour deux personnes. Tout à fait, nous félicitons Cécile de Villabé qui repart donc avec une invitation pour deux personnes. Direction le restaurant Les Terrasses, c'est à Bondoufle. EFM. EFM. L'agenda Essonne. Je crois qu'il y a un gros problème avec votre micro, mon cher Stéphane. Je vais essayer de vous aider. On allait parler de Benjamin Biolay pendant que vous retrouvez ce qui se passe. C'est énorme. Alors, pour une fois que vous êtes muet, tiens, je vais en profiter. On va parler de Benjamin Biolay qui est en concert dans la région. Ça sera du côté, je ne sais pas de quel côté, puisque vous aviez l'information. Pour la petite histoire, il a été quand même révélé au grand public grâce à sa collaboration avec Henri Salvador. C'est lui, par exemple, qui a écrit le titre Jardin d'hiver. Benjamin Biolay vient donc présenter son nouvel album sur scène. Son album qui est déjà disque d'or, près de 50 000 albums vendus. Alors, est-ce qu'on a retrouvé le problème, mon cher Stéphane? Oui, non, c'est mon micro qui marche plus. Bravo, ça y est. En direct. Bon, pour assister à ce concert exceptionnel, vous pouvez réserver par téléphone au 08 92 70 75 75. 08 92 70 75 75. Pour ceux qui ne voient pas un petit peu ce qui se passe dans le studio, je suis obligé de tenir mon câble et mon micro en même temps. C'est très cool. D'ailleurs, ça me rappelle, on avait une petite discussion en tête sur le verbe taire. Oui, c'est marrant. Ça, voilà. Donc www.théâtre-longjumeau.com également si vous voulez assister à ce très très beau concert exceptionnel de Benjamin Biolay. Concert, théâtre, spectacle, festival, sport. Retrouvez tous les loisirs en Essonne sur EFM et sur le www.radioefm.fr. Bonne soirée sur EFM, Lady Gaga pour la suite, Bad Romance, on entend bien? Oui, ça va très bien. D'accord. En tout cas, moi, je trouve que ça devrait arriver plus souvent. D'accord, c'est vous êtes moins bavard comme ça. Allez hop. Allez, Lady Gaga avant 19h, il y aura aussi Maria Carey, I Want to Know What Love Is, et puis le point trafic en ville de France Sud et en Essonne sur EFM. A tout de suite.